Chapitre 13. Charlotte répéta ses visites. Faustine, se laissant absorber par cette liaison nouvelle, condamnait plus fréquemment sa porte et vivait plus retirée. Mario se plaignait de cette réclusion, mais en d'autres termes que Clément, et ses plaintes étaient plus favorablement écoutées. C'est que Faustine commençait à être tout pour lui. Une heure passée auprès d'elle lui donnait du bonheur pour toute une journée. Loin d'elle, il végétait et ne vivait pas. Jamais il ne pouvait la voir aussi souvent et aussi longtemps qu'il l'aurait souhaité. Il aspirait toujours avec une ardeur impatiente au moment où il lui serait permis de se retrouver avec elle. Quelquefois, pendant qu'assis devant son bureau, il s'occupait des devoirs de son emploi, il lui semblait que la tête charmante de Faustine se penchait sur son épaule, que ses yeux cherchaient les siens, que sa bouche divine lui souriait. L'image de Faustine lui était sans cesse présente. Jusque dans ses plus importants travaux, elle ne le quittait pas, tantôt vague et indécise comme un lointain souvenir, tantôt animée, vivante et nettement accusée dans ses contours comme une apparition véritable. À cette époque, Mangan était chargé, par suite de l'absence de son ministre, de tout le travail de l'ambassade. Et c'était une tâche fort paisible et fort assujettissante. De plus, le monde réclamait en partie l'emploi de ces soirées. Il y avait des exigences politiques, des nécessités de position, aussi bien que des convenances de société auxquelles il ne pouvait se soustraire. Ce mélange de distractions et d'occupations sérieuses, qu'il y aurait plus naguère, l'importunait maintenant. Le temps qu'il dépensait ailleurs qu'auprès de Faustine, il le regrettait et le considérait comme perdu. Chaque moment lui faisait découvrir chez elle un nouveau talent, une nouvelle grâce. Variant d'un jour à l'autre et presque de minute en minute, elle ne cessait jamais d'être vraie, d'être elle-même, au lieu que les femmes, que Mario rencontrait dans le monde fardé d'esprit et de cœur comme de visage, ressemblaient à des actrices qui débitent leur rôle, qui paradent sur un théâtre, dont la gaieté est un mensonge, dont les jolis mots ne leur appartiennent pas, dont le sourire même est dicté par l'auteur de la pièce. Chez ces femmes, tout était emprunt et étude, chez Faustine, tout était inspiration et nature. Et quelle admirable nature que la sienne! Son intelligence était si vive qu'elle faisait oublier sa beauté, et sa beauté était si séduisante qu'en la contemplant, on s'étonnait de ne pouvoir songer à ses autres qualités plus sérieuses. Mario était fasciné. Parfois, les rumeurs contradictoires dont la comtesse était le sujet et qu'il avait pu recueillir dès son arrivée à Dresde lui revenaient à l'esprit. Cette liaison avec le baron Andlau existait-elle réellement? Y avait-il quelque chose de fondé dans l'histoire de ce mariage secret? Mais Mario n'avait pas le courage de fixer ses doutes à cet égard. Il n'osait ni interroger directement Faustine, ni se procurer des informations précises. Il redoutait évidemment d'arriver à une révélation qui pour lui eût été le coup le plus affreux. Faustine, de son côté, ne parlait guère du baron d'Andlau que par occasion. Quoiqu'elle n'évitât pas de prononcer son nom, elle l'avait rarement à la bouche, et c'était sans affectation et sans embarras. Franche comme elle l'était, elle aurait certainement répondu sans détour à toute question qui lui aurait été adressée à ce sujet. Mais Mario se disait, elle parlera quand le moment sera venu. Un matin, en entrant chez Faustine, il la trouva qui étudiait une carte de l'Asie mineure et une autre de l'Afrique. Il lui demanda ce qu'elle cherchait sur ces cartes. « J'étudie le voyage que j'ai projeté de faire en Orient, » répondit-elle. « Un voyage en Orient ?» répéta Mangan avec surprise. « Ah, sans doute. Ne vous en ai-je jamais parlé ?» Il se mit à tracer la route qu'elle comptait suivre en mentionnant toutes les curiosités qu'offrirait ce voyage, toutes les jouissances qu'il promettait. « Pourquoi, monsieur le comte, ne seriez-vous pas de la partie ? » ajouta-t-elle. Mario accepta la proposition avec joie et Faustine s'en montra ravie. « Un des amis d'Andlau vient d'être nommé consul à Alexandrie, » poursuivit-elle. « Le baron m'a annoncé cette bonne nouvelle aujourd'hui même, » et cette nomination est la base fondamentale de notre projet. » Au nom d'Andlau, Mangan ne put s'empêcher de tressaillir. « Quoi donc ? » demanda-t-il avec une froideur affectée. « Le baron est-il du voyage ?»« Assurément, » répondit Faustine. « Voulez-vous que je parte seul ?»« Non, mais alors il me semble que je serai de trop, et je vous prie de me dispenser de vous accompagner tous les deux. »« Pourquoi cela ? » ?»« C'est que, en pareil cas, les tiers sont toujours importuns. » « Bon. Vous ne croyez pas cela de vous, j'espère ? Vous ne seriez pas de trop, comme vous le dites, car plus j'ai d'amis autour de moi, plus je suis heureuse. Pardon, répliqua Mario avec embarras, « mais me traîner ainsi avec vous, ce serait faire de moi votre esclave et non pas votre ami. » « Mon esclave ? Bon Dieu, monsieur le comte, rompez vite vos fers, je ne veux pas d'esclave. Je ne cherche que des serviteurs de bonne volonté. » « Et toutefois, continue Mario, peut-être vaut-il mieux vivre en esclave à vos côtés que d'être libre loin de vous. Ne croyez pas que je vous remercie de ce compliment ?» repartit vivement Faustine. « D'abord, c'est une fadeur, ne vous déplaise. Ensuite, je suis trop ennemi de l'esclavage, en ce qui me concerne, pour vouloir attenter à la liberté d'autrui. Ainsi, soyez des nôtres ou n'en soyez pas, vous êtes le maître. » « Mais, répliqua timidement Mario, si sans le savoir, vous exerciez une influence despotique, je me le reprocherais, comme un malheur et presque comme un crime. Au surplus, ce ne serait que sur des âmes faibles et sans énergie. On a toujours, quand on le veut fermement, la force de briser ses chaînes, de quelque nature qu'elle soit. Pas toujours, croyez-moi. Vous-même, vous reconnaissez-vous cette force-là ? Je ne suis qu'une femme, et d'ailleurs ma vie a été si unie, si simple, que j'ai eu peu d'occasion de combattre pour recouvrer mon indépendance. Je l'ai fait, cependant. Je me suis révolté. Qu'importe quand et contre quoi, oui. J'ai secoué un joug que je trouvais trop pesant, et je m'en félicite encore. Mais les hommes, dont la vie est nécessairement plus accidentée que la nôtre, doivent entretenir leur énergie morale aussi bien que leur force physique, par un exercice continuel. Assaillis de mille passions, frappés de mille coups, ils doivent lutter sans cesse. Nous autres femmes, nous n'avons à nous tenir en garde que contre notre cœur. Et pensez-vous que nous aussi, nous ne soyons pas vulnérables de ce côté ? Vaincre ces passions, les vaincre toutes, étouffer tel sentiment qui fait notre bonheur et notre joie, et auquel nous tenons plus qu'à la vie ? Ah, madame, il faudrait pour cela une force surhumaine. Surhumaine, soit, répéta la comtesse d'un air inspiré et enthousiaste. La plupart des hommes peuvent être vaincus dans une pareille lutte, mais vous, comte de Mengen, vous devriez en sortir vainqueur. Ou vous ne réalisez pas ce que promettent vos traits. Ou cette idée que je me suis faite de votre caractère n'est pas exacte. Si je m'étais trompé, ce serait pour moi une déception bien amère, et je regretterais mon illusion. Mais je vous connais, je vous ai étudié. N'est-il pas vrai que vous saurez vous élever au-dessus des faiblesses du vulgaire, et qu'une indigne défaite ne sera jamais votre partage ? En parlant ainsi avec une vivacité chaleureuse, elle s'avança vers le comte et le regarda comme pour lire au fond de son âme. Subjugué, entraîné par ses accents pathétiques, Mario était tenté de fléchir le genou et de lui vouer un culte éternel. Mais il se contint et se borna à lui prendre la main, sur laquelle il déposa respectueusement un baiser. Il n'ajouta pas un mot, car de l'excès de son trouble, il craignait, s'il ouvrait la bouche, de trahir son secret. Faustine vit son émotion et se méprit sur ce qui la causait. Changeant brusquement de ton et d'humeur, elle sourit au comte qui se tenait, les yeux baissés devant elle, et d'un ton enjoué. « Ainsi, c'est convenu, vous serez de notre parti, vous nous accompagnerez en Orient ?»« Je vous accompagnerai, » répondit Mario, « mais librement, volontairement, et non pas en esclave, qu'on traîne, pour me servir de l'expression par vous employée, monsieur. Je vous suivrai librement. Vous me le promettez ?»« Je vous le jure. Très bien, j'accepte votre serment. » Et si vous y manquez, je vous déclare chevalier traître et déloyal. Vous m'enrôlez donc sous votre bannière, reprit Mario en s'efforçant d'imiter le ton d'enjouement de la comtesse. J'ai lu qu'en pareil cas, les dames faisaient toujours un don au chevalier pour consacrer la prestation du serment et en bien graver le souvenir de la mémoire de ceux-ci. Ô ciel, en auriez-vous besoin pour garder la foi jurée ? C'est par excès de précaution. Je ne me pique pas de valoir mieux que les preux et les paladins du Moyen-Âge. Au fait, je me rappelle que Duc Christian de Brunswick portait constamment sur son casque un gant que lui avait donné la palatine Élisabeth. Un de mes gants jaunes fera un très bel effet sur votre chapeau noir. Vous faut-il la paire ? Non, madame, je veux mieux que cela, repartit Mario, qui se leva et s'approcha du bureau à écrire de la comtesse sur lequel était une petite coupe étrusque contenant des cachets, des bagues et divers objets plus curieux par la forme que précieux par la valeur. Mario prit cette coupe et l'apporta à Faustine. Celle-ci en examina le contenu et, après un moment d'hésitation, elle tira une petite bague en or sur laquelle une grosse perle était montée avec cette devise « Qui me cherche, me trouve ». « Cette bague vous plaît-elle » demanda-t-elle au comte, non sans rougir un peu. Mario, pour toute réponse, présenta le doigt annulaire et Faustine se disposait à y passer la bague lorsqu'elle s'arrêta tout à coup. Ses traits, animés par la gaieté, se rembrunirent, et elle murmura à mi-voix, comme si elle se fût parlé à elle-même. « Non, non. Ce doigt recevra un jour une autre bague à laquelle la mienne devra céder la place. Je veux une place qui soit à moi. Rien qu'à moi, si petite qu'elle puisse être. « Madame, répliqua le comte, toute place que vous daignez prendre n'appartient désormais qu'à vous. « Oui, si ce n'en était pas une qui me disputerait le monde. Voyez, ma bague va parfaitement à votre petit doigt. C'est là que je la passerai. Nul autre n'en sera jalouse. « C'est une bague d'un goût charmant, dit Mario quand il l'eut reçue. La devise en est curieuse et donne à rêver. Quelle histoire s'y rattache-t-elle? « L'histoire d'un caprice, répondit Faustine avec un embarras assez marqué. Je n'ai porté que 3 jours cette bague que j'avais commandée dans un moment de dépit et de tristesse. Il me semblait il y a 2 ans que le monde était comme un vaste océan, recélant dans ses profondeurs des affections, des sympathies, perles précieuses qu'on ne cherchait pas assez. J'ai vu depuis que je me trompais. » Mario se sépara de la comtesse, content et joyeux du gage qu'il avait obtenu, mais plus occupé encore du sens mystérieux que cachaient ses dernières paroles. Quant à Faustine, son premier mouvement, et lorsque le comte l'eut quitté, fut de se demander si Andlot approuverait le don de cette bague. Lui présent, elle aurait certainement agi comme elle venait de le faire, et Andlot ne l'aurait point blâmé, mais le devait-elle en son absence? Elle se tranquillisa en se promettant de lui écrire tout dès le lendemain. « L'explication me sera facile, pensa-t-elle, pourquoi m'en tourmenter? Je suis si accoutumée à lui confier mes secrets, que je trouve très lourd ce qu'il ne partage pas. Mais je ne conçois réellement rien à la prolongation de son séjour en Alsace. Devrait-il me laisser dans une telle solitude? Si le comte de Mengen n'était pas là, heureusement il est là. » Cependant, malgré la résolution que Faustine avait prise, la lettre ne fut pas écrite à Andlau, ou du moins, elle ne fut pas écrite telle qu'elle avait été conçue. La comtesse l'avait commencée, mais dès le milieu, elle fut interrompue par une visite que lui rendait Madame von Stein. Faustine accueillit la mère de Charlotte avec son amabilité ordinaire. Cette dame n'y fut nullement sensible et, entrant brusquement en matière, se mit à lui reprocher l'influence funeste qu'elle exerçait sur l'esprit de sa fille. « Avant qu'elle eût l'honneur de vous connaître, madame, ajouta-t-elle, Charlotte ne m'opposait pas une résistance ouverte. Aujourd'hui, la voilà en pleine rébellion contre ma volonté. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce résultat. Monsieur le baron Feldorn non plus. « Permettez-moi de vous faire observer, madame, répliqua Faustine, lorsqu'elle fut revenue de l'étonnement où l'avait jeté cette attaque, que je n'ai eu lieu de donner aucun avis, pour ou contre mademoiselle Charlotte, puisqu'elle ne m'en a pas demandé. Je l'ai trouvée avec une résolution toute faite et que mes conseils n'auraient pu changer. « Enfin, madame, » reprit sèchement madame von Stein, « que ce soit sa faute ou la vôtre, elle est plus malade d'esprit que jamais. Malade d'esprit, je ne me suis aperçu de rien de pareil. Tout sentiment exagéré est une maladie intellectuelle et morale, c'est mon opinion. De mon temps, une fille obéissait à sa mère. Elle se mariait sans prétendre trouver dans son mari un héros de roman. On ne connaissait pas ces délicatesses, ces raffinements qui sont à l'usage de l'époque actuelle. Tout cela vous fausse les idées, vous rend dédaigneuse, exigeante et en fin de compte, malheureuse. Charlotte fait fi de M. Feldorn, et elle a tort. Elle est pauvre, et lui est à son aise. De plus, c'est un excellent homme. En le refusant, elle nuit à elle-même et à ses sœurs. Est-ce là une conduite sensée et raisonnable? Je vous le demande, madame. Ne me le demandez pas, madame. Suivant moi, tout dépend des dispositions où l'on se trouve. Et si mademoiselle votre fille ne peut aimer celui que... « Oui, oui, » interrompit madame von Stein. « C'est ainsi qu'on parle à présent. Et qu'est-ce qui l'empêche de l'aimer quand je le lui ordonne ?»« Apparemment que vos ordres ne suffisent point pour cela et que l'amour ne se commande point. Un homme qui ferait le meilleur des maris, avec qui elle serait très heureuse, et qu'elle mènerait à son gré ?»« Oh, madame !» s'écria Faustine, révoltée à la fin de toutes ses maximes. « Ne me parlez pas des femmes qui mènent leur mari. » Une telle suprématie est dégradante pour celle qui l'exerce comme pour ceux qui la subissent. Encore une phrase de l'époque. J'ai toujours mené mon mari, madame, et ni M. von Stein ni moi, nous ne nous sommes cru dégradés pour cela. Nous n'avons pas là-dessus la même manière de voir, madame. Non, certainement. Aussi ne serez-vous pas étonné que je retire à ma fille la permission de vous visiter comme auparavant. C'est votre droit, je n'ai rien à dire. sinon que je serais très affligé de ne plus voir Charlotte. « En vérité, » repartit Madame von Stein, que la douceur de Faustine désarmait peu à peu, « je ne conçois pas pourquoi vous lui portez tant d'intérêt. Elle ne le mérite pas. Elle me témoigne de l'affection, et je lui suis moi-même très attaché. Ce sera une privation cruelle pour moi. Fit Madame von Stein, qui, malgré sa vivacité et son humeur despotique, avait un grand fond de bonté et s'attendrissait de plus en plus. « Je m'en vais, Madame la Comtesse, je m'en vais, car vous me gagneriez à la fin. Ah, quel dommage que vous n'ayez pas prêché Charlotte dans son intérêt. Son intérêt est-il donc réellement d'épouser un homme qu'elle ne peut aimer? Et si avec lui elle doit être malheureuse, n'auriez-vous pas? Je m'en vais. » Mais elle l'aurait aimé si vous l'aviez voulu, Madame la Comtesse. Rien ne vous est impossible, et vous attendririez même les pierres. » Et Madame von Stein partit brusquement, se dérobant par la fuite à la séduction que Faustine exerçait sur elle. À peine fut-elle sortie que l'on apporta à la comtesse une lettre dont l'adresse était d'une écriture qu'elle ne connaissait pas. Pleine d'anxiété, elle déchira l'enveloppe et poussa une exclamation de joie en lisant la signature de Charlotte. « Madame et chère amie, ma mère vous a sans doute annoncé la défense qu'elle m'a faite de vous voir. Cette interdiction m'afflige doublement, parce que je mettais tout mon bonheur à me trouver près de vous et parce que j'ai à solliciter de votre affection une grâce que j'aurais voulu vous demander de vive voix. J'ai donc recours à ce message. Mais je dois d'abord vous avertir que mon père approuve ma démarche et le dessein que j'ai formé. Par suite de ma résistance aux vœux de ma mère, ma présence est devenue un fardeau pour ma famille. La paix de notre intérieur est troublée, et c'est moi qui en suis la cause. Vous exprimez combien une telle conviction me navre le cœur, me serait impossible, et cependant, dois-je me départir de ma résolution? Dans cette extrémité, une seule chose me reste à faire, c'est de quitter la maison paternelle. Mais hélas, moi, qui n'ai au monde d'autres amis que mon vieux père et vous, comment exécuterai-je ce projet si vous ne me venez pas en aide? Mon père et moi, nous ne connaissons personne. Vous, au contraire, madame, vous comptez de nombreux amis. Vos relations dans la société de Dresde sont très étendues. Employez-les en ma faveur. Obtenez pour moi l'asile dont j'ai besoin. À votre recommandation, quelque famille consentira sans doute à me recevoir en utilisant le peu de talent que je possède. Chacun s'empresse de deviner vos souhaits et s'estime heureux de pouvoir les prévenir. Quand vous solliciterez pour moi, votre voix ne manquera pas d'être écoutée. L'intérêt que vous voulez me porter me vaudra l'intérêt de tous et me tiendra lieu des autres titres que je n'ai pas. C'est en vous seul que je place mon espoir. Je ne vous parle point de la reconnaissance que je vous devrais. Je vous en dois déjà tant. Quoi que je devienne, vous serez toujours l'objet du culte de la pauvre Charlotte. » Faustine lut cette lettre avec une profonde émotion. Elle la transcrivit dans celle qu'elle avait déjà commencée pour Andlau et y ajouta toute l'histoire de Madame von Stein. Elle terminait en conjurant le baron de placer Charlotte chez une de ses sœurs ou dans quelque honorable famille d'Alsace. Ce soin rempli, elle plia et cacheta sa lettre, et ce fut alors seulement qu'elle se rappela l'affaire de la bague et la confidence qu'elle avait projeté de faire à Andlau. Mais il était trop tard, du moins, Faustine en jugea ainsi. En conséquence, la lettre fut envoyée immédiatement à la poste. C'était, à ce qu'il paraît pour Faustine, le jour des absences et des omissions, car elle oublia aussi qu'elle avait promis à Clément de l'accompagner en traîneau sur la glace du grand bassin. Cette promesse ne lui revint à l'esprit que dans la soirée, et juste au moment où Clément se présenta chez elle pour l'emmener. Mais elle refusa de le recevoir. Elle s'occupait des préparatifs de sa toilette pour un grand bal qui devait avoir lieu le soir même et où elle était sûre de rencontrer Mangan. Elle méditait de consulter Mangan sur les événements de la matinée. Elle songeait aux avis qu'il lui donnerait, aux ailes qu'il mettait sans doute à la seconder. Cette idée l'absorbait trop pour ne pas lui faire perdre de vue son projet de promenade avec Clément. Il est vrai qu'aux yeux de celui-ci, une telle excuse ne l'excusait pas. Une heure après, elle entra dans la salle de bal. Debout à côté de Feldern, dans l'embrasure d'une fenêtre, Mario, tout en s'entretenant avec lui, avait sans cesse les yeux tournés vers la porte d'entrée. Feldern avait repris son flegme accoutumé. Il se familiarisait avec l'idée de renoncer à Charlotte. Il en sentait la nécessité et il en prenait son parti. « Au revoir, » lui dit brusquement Mario en tressaillant. « Nous reparlerons de ce sujet dans la soirée. » Comme de raison, le sujet de l'entretien était Charlotte. Adieu pour toute la nuit, mon cher comte, répondit en souriant Felldorn, qui avait suivi la direction du regard de son ami et aperçu Faustine. En effet, Faustine venait d'apparaître à la porte du salon. On avait commencé une valse. Une foule de spectateurs faisait cercle autour des danseurs et obstruait toutes les issues. La comtesse attendait qu'on eût fini et que cette foule, en se dissipant, lui livra passage. Appuyée contre un pilier et couverte de sa mante, elle tenait le bout de son éventail posé sur ses lèvres d'un air de préoccupation et de mélancolie. Sa robe, d'un bleu pâle qu'on entrevoyait à travers sa mante entr'ouverte, sa riche chevelure tombant en boucles soyeuses sur ses épaules, le voile triste répandu sur ses traits et contrastant avec la scène de gaieté et de bruit que présentait la salle de bal, tout lui donnait l'aspect d'un être aérien descendu du ciel et s'arrêtant un moment sur cette terre. Mario, qui s'empressait de la rejoindre, eut besoin de la regarder par deux fois pour s'assurer que ce n'était pas une illusion. « Bon Dieu, comtesse !» lui dit-il en l'abordant. « Quelle physionomie rêveuse vous apportez à cette joyeuse réunion !»« C'est vrai, » répondit-elle languissamment. « Je sais que la tristesse est maussade et importune. J'aurais mieux fait de ne pas venir. »« Oh, qu'il ne soit pas question de tristesse, je vous en prie !» continua le comte. « Depuis hier, je suis le plus heureux des hommes, et aujourd'hui, j'ai reçu de bonnes nouvelles. Ma sœur épouse enfin celui qu'elle aimait. Les obstacles qui s'opposaient à cette union ont été écartés. Les deux amants sont au comble de leurs vœux. Avoir obtenu ce qu'on désirait n'est pas une certitude de bonheur pour l'avenir, observa la comtesse. Non, sans doute, mais c'est toujours un commencement de bonheur. J'espère que ma sœur verra le sien continuer. Voulez-vous, madame la comtesse, me faire l'honneur de valser avec moi ? Permettez que je vous refuse. Je ne puis souffrir ce soir les gens qui ont la joie au cœur. Et que voulez-vous donc de ceux qui désirent vous plaire ? Je veux de la sympathie. Et en prononçant ces mots, une larme roula dans les yeux de la comtesse. Mario s'en aperçut et pâlit aussitôt. Il se reprocha amèrement d'avoir ri et plaisanté avec elle quand elle avait du chagrin. Son intention avait été bonne cependant. Il avait tout d'abord remarqué qu'elle était triste, et il s'était proposé de l'égayer et de la distraire, mais elle pleurait. Ce n'était donc pas un accès passager de mélancolie, un caprice de mauvaise humeur. C'était donc un sujet sérieux de tristesse. Ce sujet, il ne le connaissait pas, et déjà, il le partageait. Il mit en silence le bras de Faustine sous le sien, et la conduisit vers un endroit du salon où ils étaient isolés de la foule. « Qu'y a-t-il donc ? » lui demanda-t-il. « Que vous est-il arrivé ?» Alors, elle lui raconta les événements de la matinée et termina en le conjurant de s'intéresser à Charlotte. « Unissons nos efforts, » dit-elle. « Sollicitez vos amis en sa faveur, comme je solliciterai les miens. C'est à vous que je me suis adressé en premier lieu. Felldorn lui-même, s'il n'a jamais aimé cette infortunée, ne saura gré de ce que nous ferons pour elle. » Mangan avait écouté cette confidence avec un double sentiment de joie. D'abord, le chagrin de Faustine n'était causé par rien qui lui fût personnel. Ensuite, il était en mesure de la seconder dans ses projets à l'égard de Charlotte. Il garda un moment le silence, puis, attachant sur elle un regard brillant d'allégresse, « Ne voulez-vous donc pas me féliciter du mariage de ma sœur ?» lui demanda-t-il. « J'y tiens absolument, et pour de fortes raisons. »« Très volontiers, mon cher comte, » répondit Faustine avec un sourire. « Je ne connais pas votre sœur. » Mais l'affection que vous lui portez suffit pour que je prenne part à ce qui lui arrive d'heureux. Ah, vous y prendrez plus de part encore lorsque vous saurez que, par suite du mariage de Mathilde, ma sœur Marie va vivre presque seule à la maison, et que je suis chargé de lui trouver une jeune personne élevée et d'un caractère agréable pour lui tenir compagnie. « Mangan, mon cher comte, est-ce possible ? Cela est-il vrai ? » s'écria la comtesse. « Sans cela, me verriez-vous si content ? Cette jeune personne bien élevée et d'un caractère agréable, ce sera Mademoiselle von Stein. J'ai songé à elle au premier mot que vous m'avez dit. » De douces larmes de joie mouillèrent les yeux de Faustine. « Je vous remercie, Mangan, » ajouta-t-elle d'un ton plein de ferveur. « Je vous remercie mille fois. Mon Dieu, que vous m'avez fait du bien !» Et elle saisit sa main qu'elle pressa. Mario se pencha vers elle. « Faustine, vous êtes un ange, » lui dit-il tout bas. « Moi ?» répondit-elle en fixant sur lui un regard qui exprimait la plus vive reconnaissance. « Mais je n'ai rien fait. C'est vous qui avez eu cette bonne pensée. C'est à vous que la pauvre Charlotte devra tout. »« Vous êtes un ange, » répéta Mario avec force. un ange seul, se réjouit ainsi du bonheur des autres et s'oublie pour ne songer qu'à eux. Les femmes ordinaires n'ont pas cette abnégation d'elles-mêmes, cette généreuse sympathie pour l'infortune. Ah, si vous saviez combien vous me rendez heureuse. Depuis ce matin, je ne vivais pas. Je ne pouvais rien faire pour Charlotte. Je voyais l'extrême difficulté de la placer convenablement. Elle ne se serait pas plu auprès de ma sœur Louise, et mes autres amis ne m'offraient aucune ressource. Vous m'avez soulagé d'un poids affreux. Vous écrirez dès demain à votre famille, n'est-ce pas? Oh, il faut se hâter. Je vous enverrai la lettre de Charlotte, vous la joindrez à la vôtre pour achever de persuader vos parents. Dites, mon cher comte, vous ne doutez pas du succès? Nullement, nullement. Je suis sûr, au contraire, que mademoiselle von Stein sera reçue avec empressement. Oh, tant mieux, tant mieux. Quel talent désire-t-on chez la jeune personne que vous êtes chargée de trouver? On voudrait seulement qu'elle fût musicienne. Charlotte est bonne musicienne, elle chante fort agréablement. Elle a sans doute une belle voix, mais son chant est dénué d'expression. Vous ne l'avez pas entendue? Car vous l'avez entendue avec Feldhorn. Elle chante avec âme. De plus, elle joue du piano. C'est le point essentiel. Oh, combien je me réjouis du mariage de votre sœur Mathilde. Quand je vous le disais. Et maintenant, monsieur le comte, c'est moi. Si vous le voulez bien, qui va vous proposer une valse? Faustine dansait rarement. Pour elle, la danse était l'expression d'une gaieté momentanée, et il lui semblait fastidieux de s'y livrer à tout propos, et pendant une soirée entière, jusqu'à ce que le plaisir dégénérât en fatigue. Cela lui était non moins impossible que de rire avec le premier venu, et pendant plusieurs heures consécutives. Mais aussi, quand elle dansait, c'était avec une grâce de mouvement, un charme de physionomie, quelque chose de doux et de grave, animé et de modeste, qui n'appartenait qu'à elle. Ce soir-là, elle fut plus séduisante que jamais, et si elle fit bien des jalouses, Mario s'attira bien des envieux. Dès que la valse fut terminée, une foule de cavaliers se précipitèrent vers la comtesse pour l'inviter à leur tour. « Vous venez trop tard, messieurs, » leur répondit-elle. « C'est fini, je ne danserai plus de la soirée. » On insista, mais les prières furent inutiles. Ces messieurs se retirèrent extrêmement désappointés. « Il était juste que la journée s'acheva gaiement pour moi, » dit Faustine à Mengen, quand elle eut regagné sa place. « Savez-vous que dans mes tristes préoccupations de ce matin, j'ai oublié une partie que je devais faire avec Clément Baldorf, une promenade en traîneau dans les grands jardins. J'ai même oublié l'heure habituelle de mon dîner, j'écrivais, et lorsque j'ai songé à me mettre à table, je n'avais plus d'appétit. « Je ne puis vous offrir de compensation pour votre dîner perdu, » répliqua le comte en riant. « Mais, si vous y consentiez, j'en aurai une pour votre partie de traîneau manquée. » Vraiment, et laquelle? Une autre partie de traîneau pour demain, et où j'aurai l'honneur de vous accompagner. Je n'ose pas vous dire combien cet honneur me serait précieux. Monsieur le comte, je suis aujourd'hui gracieusement disposé en votre faveur. Profitez-en. Je ne répondrai point à vos demandes par un refus. Vous dites donc oui à ma proposition. Je déteste les oui ou les non. Ce sont, à mes yeux, des formules brutales qui arrêtent le développement des idées et empêchent de s'entendre. On devrait les supprimer comme inutiles et abusives. Les supprimer? Non, certes. Je vote pour qu'on les conserve, comme étant d'une nécessité indispensable. Voyons un peu la raison de ce vote. Lorsqu'on demande à une femme, m'aimez-vous? Encore faut-il bien qu'elle réponde par non ou par oui. Elle n'en a aucunement besoin. Pour moi, je tournerai le dos à celui qui me ferait cette question. Le sot! Est-ce qu'en pareil cas, un homme ne doit pas savoir deviner la réponse? Écoutez donc, les femmes dissimulent avec tant de soin leurs sentiments véritables qu'il nous est permis, dans le doute où elles nous laissent, de leur poser cette question innocente. Innocente en effet, s'écria gaiement Faustine, que cet entretien mettait de belle humeur. Les hommes sont très amusants, avec leur affectation de simplicité. Les hommes, c'est-à-dire des êtres artificieux, calculant tout, prenant au besoin tous les masques, même celui de la passion. Pardonnez-moi, madame, répliqua Mario d'un air sérieux, si je vous dis que les hommes sont plus capables que les femmes d'une passion profonde. Oui, pour le jeu, pour les richesses, pour la gloire, je conviens de cela. Non. Vous savez de quelle passion je veux parler, l'amour. Je vous l'accorde encore, l'amour des femmes. L'amour pour une femme, une seule. Croyez que nous pouvons nous vouer corps et âme à une femme aimée, et regarder tous les autres comme si elle n'existait pas. Ah, monsieur le comte, j'oubliais votre impartialité en faveur de votre sexe, et votre mépris pour le mien. À vous entendre, Les femmes ne sont capables de rien. Elles sont capables de tout ce qui est beau, noble et grand, excepté... Excepté quoi ? Le commencement de votre phrase pronostique une fin bien injurieuse. Excepté d'être fidèle à elle-même. Mettez la main sur votre cœur, madame la comtesse, et répondez-moi franchement. Est-ce que les femmes ne sont pas mobiles ? Elles qui s'abandonnent à toutes les impressions, sujettes à faillir, elles qui sont si faibles, faites pour être conduites et dirigées, elles qui se laissent influencer si facilement, et tenez. Mademoiselle von Stein, cette Charlotte, si belle, dans son exaltation virginale, et dont la grâce a tant de sévérité. Elle élève sous nos yeux un temple dorique d'une grave et simple architecture, mais êtes-vous certaine qu'elle l'achèvera dans le même style ? Et pourquoi non ? Demanda Faustine avec inquiétude. Je ne sais. Mais il me semble que chez elle, toute cette poésie est une chose d'emprunt, ou du moins une disposition d'esprit passagère. Elle a respiré cela dans l'atmosphère où vous vivez. Elle se guinde à votre hauteur. Elle s'efforce de vous imiter. Si jamais le modèle lui manque, nous verrons. Nous verrons vos prédictions démenties. Avec quel acharnement vous attaquez les pauvres femmes ? Non, je défends les hommes. Notre prétendue inconstance est un fait admis. Ce sujet a défrayé les poètes. De gros livres ont été écrits sur ce texte banal. Nous récriminerions en vain. Et pourtant, sait-on si le premier doute et par suite la première idée de l'inconstance n'ont pas été jetées dans notre cœur par la femme objet de notre premier amour ? La chaleur avec laquelle Mario s'exprimait frappa Faustine. Il faut que vous ayez eu beaucoup à vous plaindre des femmes, lui dit-elle d'un ton où perçait une nuance de tristesse. Non, répondit-il. Je n'ai point eu à me plaindre d'elles, et cela, peut-être parce que je n'ai encore donné mon cœur à aucune. Je vois leurs faiblesses et je ne les aime pas moins, au contraire, je les en aime davantage. Car leur âme, sans cesse agitée, a besoin de protection, de repos et de sécurité. Vous avez raison, répliqua la comtesse. Et tous deux gardèrent le silence, livrés à des réflexions diverses. Chose incompréhensible, pensait Faustine, ce sont les idées, c'est la manière de voir d'Anastase. Il me semble que c'est lui-même que j'entends. » Et son regard, fixé sur la noble figure du comte, devenait vague, indécis et rêveur. « Madame, » dit enfin Mario en se réveillant brusquement de ses méditations, « il faut que je vous demande la permission de vous quitter. J'ai promis à Lady Géraldine de jouer avec elle une partie d'échecs, et vous savez qu'elle n'est pas femme à me tenir quitte de cette promesse. »« Allez, monsieur le comte, » répliqua Faustine avec un peu d'humeur. « Je ne veux point vous accaparer. »« Mais il faut que vous m'en donniez la permission. »« La permission ? Vous n'êtes point à mes ordres comme à ceux de Lady Géraldine. »« Si je pouvais croire que cette partie d'échecs vous déplut. »« Et pourquoi ne le croyez-vous pas ? » demanda la comtesse avec vivacité. « Alors je reste auprès de vous. »« Je ne vous quitte pas, » s'écria joyeusement Mario. « C'est justement ce que je souhaitais, » repartit Faustine avec un franc sourire. Mario s'assit à côté d'elle, et pendant tout le bal, ils se livrèrent à une conversation animée qui les absorba l'un et l'autre et les isola complètement de la foule. Il y avait des moments où le comte, frappé des élans de passion, des remarques spirituelles et originales qui échappaient à Faustine, la contemplait avec étonnement et admiration. « Tant d'esprit et tant d'âme, se disait-il, est-elle capable d'aimer, d'aimer longtemps, d'aimer toujours ? La passion chez elle n'aura-t-elle que des éclairs ? Et l'homme qu'elle illuminerait de son amour, sera-t-il condamné à retomber dans les ténèbres ? Oh, mieux vaudrait ne l'avoir jamais connue !»